L'actualité à Nancy et ailleurs. Ose, le Noël des métiers d'art est de retour du 10 au 22 décembre dans la grande salle de l'Aubette. C'est place Kléber et c'est à Strasbourg. Elisa Eichmann, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes chargée relations presse et communication pour la FREMA, Fédération des métiers d'art d'Alsace. Comment a été imaginé ce concept store de Noël ? Pour Ose le Noël des métiers d'art, on réunit dans un même lieu plusieurs concepts. Donc au cœur de la salle, on a une boutique où 36 créateurs nous confient leurs pièces. Et du coup, nous, on crée vraiment une scénographie pour mettre en valeur tous ces objets. Donc il y a un peu de tout, de la céramique, de la mode, des accessoires, des décorations, du textile, du bijou. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu dénicher le cadeau parfait qu'on aimerait faire à Noël. Dans cette boutique, il y aura également un sapin des créateurs. Donc 25 exposants ont participé à cette action et fait du coup une décoration de Noël sous forme de suspension à mettre sur son sapin en quantité très très très limitée. C'est vraiment de la pièce unique ou très petite série pour voilà mettre une petite nouveauté sur son sapin cette année. Et autour de la boutique, on aura donc des petits corners avec 14 créateurs qui seront eux sur place avec leur stand. Et du coup, voilà, c'est l'occasion d'échanger avec eux, de pouvoir découvrir un petit peu plus sur leur savoir-faire, sur leur métier, les secrets de fabrication. Donc vraiment un moment d'échange et de pouvoir acquérir justement les pièces qu'ils proposent. Donc en tout, on a 50 créateurs qui exposent à Oz cette année. Et la nouveauté, c'est qu'on propose des ateliers métiers d'art. Donc cette année, il y aura 17 ateliers qui seront proposés donc dans la même salle. Donc c'est l'occasion de s'initier vraiment à différentes techniques pour réaliser soit des objets à offrir ou soit de la décoration de Noël pour soi. Ça permet vraiment de mettre la main à la pâte. C'est à la fois pour les enfants et pour les adultes, donc ça défend des ateliers. Et par exemple, on peut s'initier à la plumasserie, la calligraphie, la céramique, de la sculpture papier. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Calligraphie, céramique, ces disciplines, peut-être qu'on les connaît déjà un peu, mais la plumasserie, en quoi ça consiste ? Alors la plumasserie, c'est le travail des plumes. Donc on peut le trouver sous différentes formes. Donc là, les ateliers qu'il y aura, par exemple, c'est la création d'un mini bouquet de fleurs en plumes. Donc voilà, à la place de fleurs réelles ou artificielles, ce sera des plumes pour faire ce petit bouquet. Donc ce sera du 10 au 22 décembre dans la grande salle de l'Aubette, au premier étage. Oui, c'est ça, c'est au premier étage. L'accès se fait par la galerie de l'Aubette. Et du coup, on essaiera de mettre en place le maximum de signalétiques pour indiquer aux visiteurs où nous retrouver. Et sinon, faut pas hésiter à demander sur place pour être orienté. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce rendez-vous s'appelle Oz comme le magicien d'Oz ? Alors, il y a différentes significations. Effectivement, Oz le magicien d'Oz, pour se référer vraiment à la magie de Noël. Effectivement, c'était une des raisons de ce choix. Mais également Oz pour oser acheter des pièces métiers d'art, pour oser l'originalité, pour oser le côté unique de ses savoir-faire. Une boutique, une expo-vente, le sapin des créateurs et bien sûr cette nouveauté avec ses 17 ateliers à destination aussi bien des adultes que des enfants. Et pour ces ateliers, faut-il s'inscrire ? Alors, il faut s'inscrire à l'avance. On peut trouver toutes les informations sur le site de la FREMA, donc www.frema.com. Et du coup, il y aura un lien pour s'inscrire aux ateliers, parce que du coup, les places sont très limitées. Donc, vaut mieux s'y prendre à l'avance. Et du coup, voilà, ces ateliers. Donc, il y en a 6 qui sont réservés uniquement aux enfants sur les 17. Et la durée, elle peut varier d'une heure à 3 heures. Donc selon justement l'atelier qui est proposé. Et pareil, en termes de prix, on est entre 12 et 65 euros selon l'atelier, avec une moyenne dans les 30 euros. Donc c'est vraiment une occasion de vivre vraiment un moment de détente. Donc on peut faire ça en famille, entre amis, et pour vraiment se mettre dans l'ambiance de Noël. Et on peut retrouver toutes les infos pratiques sur le site de la FREMA. Oui, toutes les infos sont sur le site, donc www.frema.com. On retrouve la liste des exposants, les ateliers, le lien pour s'inscrire et toutes les infos pratiques, les dates, les heures et le lieu. Elisa Eichmann, merci. Merci à vous Yves. Ose, le Noël des métiers d'art, c'est du 10 au 22 décembre dans la grande salle de l'Aubette au premier étage, place Kléber à Strasbourg. L'entrée est libre de 11h à 19h. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.